Les nuits de France Culture. Philippe Garbi, Alban Penaranda, Mathilde Wagman, Hassan Mbechour, Virginie Mourté, nous sommes ensemble jusqu'à 7h du matin. La nuit des féminismes, voix du MLF. Alors que les combats féministes connaissent ces dernières années une forme de renouveau, notamment depuis l'avènement du mouvement MeToo, alors que les polémiques, les dissensions, y compris parmi les voix, se revendiquant toutes du féminisme font rage parfois, nous avons eu envie de nous replonger dans l'histoire de ces luttes à travers non pas une mais deux nuits. La semaine dernière, nous avons écouté des émissions retraçant le parcours de quelques grandes pionnières en ce domaine, d'Olympe de Gouges à Simone de Beauvoir, en passant par Flora Tristan, Madeleine Pelletier ou encore Djamila Debbèche. Cette nuit, pour le deuxième temps de ce parcours, nous plongerons dans le féminisme des années 1970, celui que l'on a dit de la deuxième vague, et nous nous intéresserons tout particulièrement à l'action du mouvement de libération des femmes, le MLF, fondé il y a un tout petit peu plus de 50 ans. C'est à l'écoute de femmes ayant participé à ce mouvement que nous tâcherons de comprendre la singularité de ce moment dans la longue histoire des combats féministes. Au programme de cette nuit donc, dans la première partie, on pourra écouter un documentaire proposé par Anne-Sophie Vergne en 2007 pour Surpris par la nuit, dans lequel quatre militantes racontaient leurs souvenirs de ces combats avec pour fil rouge leur participation à la fabrication du Torchon Brûle, le journal publié par le MLF. Puis une archive précieuse. En mars 1972, Delphine Seyrig, Monique Wittig et quatre autres militantes étaient venues au micro de France Culture présenter le mouvement dans une émission au titre un peu daté. Elle s'appelait « Variations sur la femme ». On écoutera ensuite un volet de l'émission « Une vie, une œuvre » que Clément Salzar avait consacré à Monique Wittig, encore elle, en 2018. Après quoi, dans la seconde partie de la nuit, on entendra un dialogue enregistré en public en 1976 entre Antoinette Fouque et Benoît de Groux. Puis on écoutera Cathy Bernheim au micro d'Emmanuel Laurentin dans La Fabrique de l'Histoire en 2009. Elle était venue raconter ses souvenirs de ce qui marqua l'acte de naissance du MLF, médiatique à tout le moins, à savoir le dépôt de la gerbe à la femme du soldat inconnu en août 1970. Et enfin, pour clore la nuit, les trois premiers volets d'une série d'entretiens à voix nue avec Christine Delphi, au micro de Charlotte Bien-Aimée en 2019. Mais pour ouvrir cette nuit et nous aider à éclairer ce moment, j'ai le grand plaisir d'accueillir Bibia Pavard. Bonsoir à vous, Bibia Pavard. Bonsoir. Et merci beaucoup d'être avec nous. Je précise que nous nous parlons par téléphone, car nous ne pouvons pas, hélas, être dans la même pièce en raison des mesures sanitaires en vigueur au moment où nous enregistrons cet entretien. Vous êtes, Bibia Pavard, l'une des trois co-auteurs, avec Florence Rochefort, que nous recevions la semaine dernière, et Michel Zancarini-Fournel, d'une belle histoire des féminismes de 1789 à nos jours, parue tout récemment aux éditions de La Découverte. Vous êtes aussi l'auteur de plusieurs ouvrages consacrés à l'histoire des combats féministes au XXe siècle, en particulier à la lutte pour le droit à la contraception et à l'avortement en France. Le titre que vous avez choisi avec vos co-auteurs pour cette histoire des féminismes est un slogan, « Ne nous libérez pas, on s'en charge », qui renvoie au militantisme des années 70. Et sur la couverture, on peut voir une photographie qui représente des femmes lors d'une manifestation du MLF, justement, à Bobigny en 1972. Femmes qui font ce geste qui consiste à joindre ses mains pour dessiner une sorte de triangle symbolisant le sexe féminin. Geste pensé par opposition au point levé, symbole phallique. Ce slogan, cette photo, renvoie directement au militantisme des années 1970. Est-ce que ça veut dire, est-ce que vous avez voulu souligner que ces années 70, elles constituent un moment particulièrement décisif dans la longue histoire des luttes féministes que, par ailleurs, dans cet ouvrage, vous faites remonter jusqu'au XVIIIe siècle? C'est vrai qu'il n'était pas évident de trouver une photographie, un slogan qui résume plus de 200 ans d'histoire. Néanmoins, on s'est tourné vers cette image des années 1970 et ce slogan qui finalement peut très bien s'appliquer à d'autres périodes que celles qu'il a créées, aussi pour ses résonances dans le présent. C'est-à-dire qu'avec la photographie, avec le slogan, on avait la possibilité de faire dialoguer ce passé encore très présent dans notre société. Et c'était peut-être la façon aussi de rendre cette histoire plus parlante aux générations actuelles. Qu'est-ce que, au-delà de cette continuité, cette décennie singulière des années 70 a de spécifique, en quoi ça a été un moment novateur peut-être dans l'histoire des féminismes sur le temps long. C'est vrai que ce moment des années 1970 a sa particularité dans la mesure où il s'inscrit dans les années 68, c'est-à-dire qu'il hérite de ses revendications, de cet état d'esprit, de ce caractère révolutionnaire propre aux années 1960 et qui trouve leur acmé en 1968. Mais c'est aussi un moment qui est caractérisé par de très intenses circulations transnationales, comme il y en a eu d'autres dans l'histoire, mais ce moment-là aussi voit circuler les slogans, les revendications, les symboles. Et on peut dire que tout cela fait la spécificité de ce moment des années 70 du féminisme, hein, années 70 qu'on pourrait appeler années 68, parce que finalement, ça commence dans les années 60 et ça se prolonge jusque dans les années 80, donc on est au-delà de la décennie. Et c'est un moment où le féminisme, les féminismes produisent beaucoup de symboles, de revendications, ont un regard très radical sur le projet qu'ils portent, hein, qui est un projet révolutionnaire qui vise vraiment à taper les fondements de la société bourgeoise capitaliste patriarcale pour proposer autre chose. Et c'est vraiment tout cela qui fait la spécificité de ce moment particulier dont on parle aujourd'hui. Le MLF, le Mouvement de Libération des Femmes, est désormais une entité assez bien identifiée sur le plan médiatique. On a vu il y a quelques mois, à l'occasion de l'anniversaire de son acte de naissance, ce dépôt de la gerbe à la femme du soldat inconnu en août 1970, qu'il y a eu plusieurs émissions qui parlaient du MLF. Mais finalement, j'ai l'impression qu'il est souvent réduit à une sorte d'étiquette qui renverrait à une position uniforme. Plusieurs femmes qu'on va entendre cette nuit, qui ont fait partie du mouvement, soulignent que le mouvement était aussi très divers et elles rejettent même la désignation même MLF, hein, ce sigle, parce que ils laissent croire que le mouvement serait comme une sorte de parti. Or, précisément, ça fonctionnait pas du tout comme ça, un parti politique, je veux dire. Comment est-ce que on pourrait le présenter, ce mouvement, voilà, si on devait le définir, qu'est-ce que c'est finalement le MLF? Qu'est-ce que ça a été? Vaste question, et je pense que là, l'histoire peut aider, parce qu'il faut vraiment revenir à une chronologie assez fine pour voir comment les actrices qui se sont impliquées dedans, qui l'ont animée, vont progressivement évoluer par rapport à cette appellation. Déjà, il y a une grande question historique sur la naissance, l'émergence de ce mouvement, puisqu'il ne s'agit ni d'une association, ni d'un parti politique. Il n'y a pas de véritable date de naissance, de date de dépôt, de création. En réalité, c'est une mobilisation qui émerge de la rencontre de différents groupes et des manifestations publiques qui vont avoir lieu en 1970. Mais il y avait des prémices, évidemment, d'organisation auparavant. Et puis, on peut vraiment parler de mouvement à partir du moment où des nouvelles personnes affluent, où des nouvelles actions se mettent en forme. Alors, à Paris, bien sûr, mais pas seulement, partout en France. Donc là, on a quelque chose qui prend de l'ampleur progressivement au début des années 70 et qui est de plus en plus médiatisé. C'est ça aussi qui va donner une véritable forme à un ensemble de mobilisations qui progressivement vont être appelées de l'extérieur Mouvement de Libération des Femmes, terme qui ne fait pas l'unanimité à l'intérieur du mouvement parce qu'on a peur de réifier les choses, de figer quelque chose qui est très vivant, très dynamique. En réalité, ce mouvement de libération des femmes, c'est un ensemble de revendications, un ensemble d'actions, un ensemble de principes aussi politiques qui se développent partout en France dans cette décennie et jusqu'au début des années 80. C'est l'idée d'avoir une non-mixité, c'est-à-dire de se réunir entre femmes, de porter un certain nombre de revendications sur la libération des femmes et la lutte spécifique des femmes nécessaire en articulation avec d'autres luttes, mais qui doit vraiment prendre en charge cette question des femmes. C'est toute une série de créativités, de médias qui vont être créés, de films, de livres, de prises de position individuelles et collectives. En réalité, voilà, c'est vraiment difficile à définir dans la mesure où on a une appellation fluctuante. Et ce n'est que vraiment vers la fin des années 70 que le terme MLF va être connu largement, qu'il va aussi devenir quelque chose de plus figé, qu'il va être l'objet en fait de disputes et d'oppositions politiques sur qu'est-ce que le MLF, qu'est-ce qu'il n'est pas. Et c'est avec la commémoration aussi qu'on en fait un objet un peu plus cernable, un peu plus compréhensible. Il faut vraiment replacer cette appellation à chaque époque pour voir que finalement elle renvoie à des réalités assez fluctuantes. Et c'est ça qui est aussi intéressant pour les historiennes que nous sommes. Oui, ce qui est intéressant, c'est que sur l'acte même de naissance, hein, j'ai repris cette idée qui est que le MLF est né en août 1970 à l'occasion de cette action donc par un tout petit groupe de femmes. Hein, on va entendre Cathy Bernheim le raconter tout à l'heure, l'action qui consistait à déposer une gerbe à la femme du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe à Paris en août 1970. Mais ça a été, ce qui a marqué médiatiquement la naissance du mouvement. Il y a toute une controverse autour de la date de naissance, en quelque sorte, puisque Antoinette Fouque, en particulier de son côté, faisait remonter la naissance à bien avant cette date-là, au mois d'octobre 1968, je crois, et aux réunions. Oui. Qui se tenait dans un studio de la rue Vaugirard prêté par Marguerite Duras, avec déjà, entre autres, Monique Wittig, Josiane Chanel. Cette controverse, elle en annonce aussi bien d'autres. C'est aussi la marque d'une grande variété de positions, et de positions qui s'affrontent parfois violemment dans ce mouvement. Oui, alors là aussi, on a vraiment des évolutions sur toute la décennie. C'est-à-dire que la question de la naissance et de à quel moment le mouvement est né, elle ne se pose pas au tout début du mouvement. C'est-à-dire que c'est vraiment à la fin des années 70 qu'on va revenir sur ce passé, essayer de réécrire cette histoire à un moment où, justement, les actions sont de plus en plus nombreuses, éclatées, les groupes émergent partout en France, et donc il y a une volonté de revenir à cette histoire, de l'écrire, de la figer aussi pour ne pas la perdre. Et donc c'est là que un certain nombre de conflits vont émerger sur la date de naissance, qui vont être récurrents. Ensuite, c'est vraiment une controverse récurrente de savoir est-ce que un mouvement naît lorsque quelques personnes se réunissent dans un groupe non mixte, ou est-ce qu'un mouvement naît lors de ses premières sorties publiques qui font parler de lui. Donc on a ici des divergences fortes. Ce que l'on peut remarquer, en tout cas en tant qu'historienne, c'est que finalement cette date de naissance est vraiment quelque chose qui est très symbolique et qui n'existe que dans la volonté de la faire exister, parce que quand on regarde les différents événements, on a toute une série de choses qui se passent effectivement entre 1968 et 1970. Après, ce qu'il faut aussi souligner, vous l'avez dit, c'est les dissensions, les divergences politiques, qui sont aussi des divergences stratégiques et qui existent dès le départ. Hein. On n'est pas d'accord sur la manière d'agir. Est-ce qu'il faut écrire des textes? Est-ce qu'il faut essayer de convaincre la population des femmes à la base? Est-ce qu'il faut faire des actions spectaculaires pour faire parler de soi? Est-ce qu'il faut utiliser les médias commerciaux? Est-ce qu'il faut créer ses propres médias en refusant totalement de dépendre de cette presse capitaliste? Enfin, beaucoup de questionnements et de divergences qui font que progressivement, on va commencer à parler de tendances à l'intérieur de ce mouvement de libération des femmes, qui même, si c'est un peu réifié, parce qu'en réalité, il n'y a pas trois ou quatre tendances, en réalité, il y a des multiplicités de façons d'être féministe dans le MLF, mais en tout cas qui montrent que on n'a pas un parti qui serait unifié avec une ligne politique qui serait suivie de toutes. En réalité, on a des oppositions qui font aussi la richesse de ce mouvement, mais qui parfois sont paralysantes, qui vont vraiment se cristalliser dans des conflits violents, parfois même dans des procès entre groupes du MLF, et avec cet événement en 1979, qui est la création d'une association et d'une marque MLF par Antoinette Fouque et les personnes qui l'entourent, qui va vraiment, si vous voulez, figer ces divergences et qui va être une source de conflits permanents depuis 1979. Ce qui est très frappant à écouter ces femmes, hein, les femmes qu'on va entendre dans toutes ces émissions et qui revient beaucoup dans les témoignages rétrospectifs, mais aussi qui se sent dans ceux qui datent de l'époque, c'est en tout cas la joie, l'euphorie même qui a caractérisé pour ces femmes ces années de militantisme, et puis aussi l'humour, un humour assez formidable, que ce soit au niveau du mode d'action, des slogans bien sûr. Bon voilà, on entendra cette nuit certains des slogans les plus fameux, un homme sur deux est une femme, travailleur de tous les pays, qui lave vos chaussettes, j'aime beaucoup aussi, une femme sans homme c'est comme un poisson sans bicyclette. Dans votre histoire des féminismes, Bibia Pavard, vous soulignez aussi que cet humour, il avait vraiment une fonction politique, que la dérision, c'était l'un des instruments de dénonciation des rapports de domination. Oui, tout à fait. Alors, vous soulignez d'abord cette idée de joie intense qui a été racontée beaucoup par les actrices du mouvement qui ont découvert un entre-soi féminin qui était très libérateur et qui permettait aussi de découvrir une autre manière de militer, en particulier pour celles qui avaient milité dans des groupes d'extrême gauche auparavant. Et puis il y a effectivement toute cette question de la place et du rôle de l'humour. Alors dans les slogans, dans les modes d'action, dans les textes aussi qui sont publiés, c'est politique dans la mesure où l'humour, ça permet de déstabiliser, de mettre en cause et tout d'un coup d'instiller le doute dans quelque chose qui peut apparaître complètement routinisé ou naturalisé. Ça permet tout d'un coup de mettre l'accent sur le fait que l'identité féminine telle qu'elle est présentée dans la société, c'est peut-être pas quelque chose qui est naturel, c'est peut-être quelque chose qui est construit et que du coup on peut déconstruire par l'humour. Ces relations femmes-hommes, elles sont routinisées, mais si tout d'un coup on met un peu d'humour pour poser des questions, on peut se demander si tout ne pourrait pas changer et si il faut cesser de prendre au sérieux cette organisation sociale qui oppresse les femmes. Donc il y a toute cette dimension humoristique qui est très importante. Il y a aussi toute une dimension pathologique qui joue un rôle important. Par exemple, sur les questions de contraception et d'avortement, il y a aussi une place très importante, ou des questions autour des violences et du viol notamment. Il y a toute une dimension aussi qui met l'accent sur la réalité sociale de cette oppression, sur la violence que les femmes subissent au quotidien dans leur vie. Donc il y a aussi cette émotion-là qui est prise en charge par le mouvement. En tout cas, c'est vrai qu'il y a un rôle primordial de ces émotions politiques qui servent à transmettre des messages et à essayer de faire advenir une société différente. La dernière partie de votre ouvrage, de cette histoire des féminismes, Bibia Pavard, elle est consacrée au renouveau qu'ont connu les luttes féministes ces trois dernières décennies, disons, depuis les années 90. Vous y détaillez de manière extrêmement claire les différents moments, les différents courants, les différentes positions des uns et des autres dans ces combats. Le tout dernier chapitre du livre s'intitule « Le moment MeToo » et vous y décrivez la séquence historique dans laquelle nous sommes. Vous posez vous-même cette question. Est-ce que ces nouveaux féministes contemporains sont dans la continuité de ceux des années 70 et des actions des militantes du MLF, par exemple, ou bien est-ce qu'on a affaire à un tournant, à quelque chose de radicalement nouveau dans ce qui se joue aujourd'hui? Cette question, je vous la pose. C'est une question à laquelle on peut répondre les deux. En réalité, c'est ça qui nous a intéressé aussi dans notre démarche avec Florence Rochefort et Michel Zancarini-Fournel dans cet ouvrage, c'est d'essayer de travailler à la fois sur les continuités, sur les ruptures et sur les spécificités de chaque moment historique. Et donc effectivement, dans le moment MeToo, on est vraiment dans un moment qui s'inscrit dans un temps plus long, parce que effectivement ces revendications autour des violences faites aux femmes qui sont centrales aujourd'hui dans les mobilisations féministes, eh bien elles émergent et se développent dans les années 70 Et on retrouve un certain nombre d'arguments qui ont été énoncés et développés dès les années 70. Donc il y a des formes de continuité. Il y a aussi eu des prolongements de ces mobilisations féministes dans les institutions. Donc il y a eu un féminisme institutionnel qui s'est développé dans les années 1980-90. Donc que ce soit au niveau local, au niveau national, au niveau international, qui a notamment pris en charge ces questions de violence. Et puis on a de toute évidence un renouveau très fort aujourd'hui autour de ces questions de communication, de ces questions de circulation rapide avec Internet, aussi avec le féminisme de hashtag qui permet d'agréger des témoignages ordinaires sur les réseaux sociaux, et en particulier le hashtag MeToo a permis de rendre visible la réalité de ces violences qui avaient déjà été démontrées évidemment par un discours militant, par un discours scientifique aussi, d'enquêtes, d'études sur la réalité des violences faites aux femmes. Mais tout d'un coup, la visibilité de ces messages donne l'impression d'un renouveau assez spectaculaire. Donc on a à la fois ces formes de continuité, ces formes de renouveau, de nouvelles générations qui arrivent aujourd'hui au féminisme et qui ne connaissent pas forcément cette histoire longue de la lutte contre les violences. Donc il y a toutes ces questions qui se superposent, à laquelle il faut ajouter aussi le fait qu'un certain nombre de militantes féministes qui étaient très actives dans le mouvement de libération des femmes dans les années 70 sont encore très actives aujourd'hui et font le lien entre ces différentes générations féministes. Donc ce qui caractérise l'histoire des féminismes aujourd'hui, c'est à la fois cette transmission en pointillé et puis ce retour de certains slogans, de certains mots d'ordre. On peut penser par exemple au slogan « ras-le-viol » qu'on a vu sur les pancartes dans les manifestations organisées par Nous Toutes, qui est en fait un slogan qui a été forgé dans les années 70. Donc il y a des échos, il y a l'hymne du MLF aussi qui est revenu et qui est adapté par des nouveaux groupes féministes. Les paroles sont changées ou parfois adaptées aux enjeux actuels. Donc il y a des effets de rejeu et des effets de renouveau qui sont tout à fait passionnants à tracer. On recevra tout à l'heure au mi-temps de cette nuit Marie Herman, éditrice et co-auteure d'une nouvelle version, d'une réadaptation d'un classique du féminisme des années 70, le manuel « Notre corps, nous-mêmes ». Et on parlera avec elle également de la question de l'héritage de ces années décisives. Quant à nous, Bibia Pavard, on se retrouvera tout à l'heure au petit matin pour conclure cette nuit autour du mouvement de libération des femmes. Mais pour l'heure, place donc à la première partie de ce programme. Dans un instant, Surpris par la nuit, le torchon brûle, quatre récits du mouvement de libération des femmes. Une émission diffusée la première fois en 2007. Puis Variation sur la femme, une émission de 1972 avec Delphine Seyrig entre autres. Et enfin Une vie, une œuvre, Monique Wittig, écrivain lesbienne révolutionnaire, une émission de Clémence Alzard diffusée pour la première fois en 2018.